d'essayer un nouvel empire. Je sais pas ce que ça donne. Un petit empire. Bof. C'est tout. 那学长咱也休息了。Moi, je suis en train de tester que les amplis sur guitare, juste l'ampli. Elle est où la reverb là-dessus? Il y a la reverb là-dessus? Ouais.